à 12. Comment? Pourquoi? Kaifa? Limada? Écoutez et répétez. Comment ça va? Kaifa al-hal? Comment vas-tu? Kaifa halak? Comment allez-vous? Kaifa halkum? Comment vont tes parents? Kaifa hal ahlak? Comment est le temps? Kaifa at-taqs? Comment cela? Kaifa dhalika? Comment peut-il être si bête? Kaifa yumkin an yakun bihadha al-ghaba? Comment peut-il être si timide? Kaifa yumkin an yakun bihadha al-haya? Comment ça marche? كيف يسير هذا الجهاز؟ Comment dites-vous cela en français? كيف تقول ذلك بالفرنسية؟ Je ne sais comment vous remercier. لا أدري كيف أشكرك. Pourquoi es-tu fâchée, Leïla? لماذا أنت زعلانة؟ Pourquoi ne venez-vous pas avec nous? لماذا لا تأتي معنا؟ Pourquoi ne restez-vous pas chez nous? لماذا لا تبقى عندنا؟ Pourquoi n'est-il pas parti? لماذا لم يذهب؟ لماذا ما ذهب؟ Pourquoi n'a-t-il pas téléphoné? لماذا لم يتلفن؟ لماذا ما تلفن؟ Pourquoi n'es-tu pas resté, Sami? لماذا لم تبقى؟ لماذا ما بقيت؟ Je ne sais pas pourquoi. لا أدري لماذا. Vous a-t-il dit pourquoi? هل قال لك لماذا؟ Il n'a pas dit pourquoi. لم يقل لماذا. ما قال لماذا. Pourquoi pas؟ لما لا؟